Louise, oh ma Louise, tu es la première enfant que j'entends. Près de elle, la plus belle, la femme que j'aime qui te porte en ce moment. Notre vie va changer, ce sera toi notre bébé. Plein de bonheur dans nos yeux, dans tes yeux. Bientôt, tu es là. Dans notre vie, près de nos cœurs.